c'est ce matin que je n'avais pas cours aujourd'hui. Et j'ai acheté un pack de bière pour le boire avec Coralie. Mais je n'existe pas, je pense toujours à toi, à ma vie ici bas. J'ai retrouvé du coton dans ma poche arrière gauche, et je n'utilise jamais de coton. C'est drôle, mais je n'existe pas, je pense toujours à toi, à ma vie ici bas. Coralie est venue chez moi faire du vélo d'appartement. Moi j'ai mis un CD, alors j'ai dansé, mais je n'existe pas, je pense toujours à toi, à ma vie ici bas.